dans le cave. Je le vois arriver à la porte. Il se trompe 5-6 fois de code. 424B1, il se rappelle plus très bien. Il est saoul comme un coin, il faut qu'il se souvienne du chemin. Troisième porte à droite, deuxième étage à gauche. Ça l'énerve, ça le saoule. Heureusement que toi t'es là pour qu'il se défoule. Il a de l'alcool mauvais, comme toutes les autres journées. L'envie de te frapper. Ça lui donne la puissance qu'il n'a jamais trop eue. Ça lui donne la confiance de sentir au-dessus. Son grand-père le battait au football. Il était nul à l'école, le prof le détestait. Il avait aucun ami depuis déjà tout petit. C'était lui le raté, maintenant c'est toi. À la porte de l'appart, tu arrives en courant, tu l'ouvres en pleurant, il te jette en hurlant. T'as mis des boîtes en dedans, il entre en titulant, il renverse un troll de vieux rouge, sa livrogne. Dans son œil, la violence, dans les tiens, l'innocence. Son regard balaye les murs, tu poses sur sa ceinture, il titube pour la prendre et s'avance en souriant. Au moment de la saisir, un rictus de délire, ton petit cours te cache dans ta chambre, mais tu sais qu'au final, il va toujours te rattraper. Ça lui donne la puissance qu'il a jamais trop eue. Ça lui donne la confiance de sentir au-dessus. Son grand-père le battait au football. Il était nul à l'école, les points bleus détestés. Il avait aucun ami depuis déjà tout petit. C'était lui le raté, maintenant c'est toi. Simple fuite de gaz, mais moi je le sais, toi qui l'as allumé. Tu n'as pas mérité, mais tu as toujours aimé. Si tu lui le raté, c'est toi qui l'as payé. Tu n'as pas mérité, mais tu as toujours aimé. Si tu lui le raté, c'est toi qui l'as payé. J'espère que là-haut, c'est lui qui est.